Put your hands together one time. Salut, bienvenue à Entrepod, une émission de FrenchPod où nous parlons de la francophonie entre nous, entre amis, entre potes. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Alors, le sujet du programme concerne une magnifique région de France qui se situe dans le sud-ouest, en Aquitaine, et qui est le Pays basque français. Donc j'ai pour invité aujourd'hui une personne issue de la région, Xavier. Je prononce bien ton prénom ? C'est bon. Bonjour. Xavier, bonjour. Donc moi je suis très content de te recevoir et d'en parler aujourd'hui parce que j'ai eu l'occasion d'y aller 2-3 fois. Et c'est vrai que la région est magnifique. Oui, on a l'habitude de dire que c'est la plus belle région du monde. Alors je sais pas si c'est justifié, en tout cas nous on le croit fermement. D'où tu viens au Pays Basque ? Alors moi je suis originaire d'Ustaritz, qui est un petit village à 10 km de Bayonne et de Biarritz. Alors Bayonne et Biarritz sont les deux plus grandes villes du Pays Basque qui sont situées sur la côte atlantique. Donc le Pays Basque ? Le Pays Basque est vraiment situé à l'extrême sud-ouest de la France. Ouais. Alors ça s'étend de la côte atlantique sur une centaine de kilomètres vers les terres intérieures. D'accord, ouais. La limite au sud, c'est l'Espagne. Et alors donc, quand on parle du Pays Basque français. Ce que moi j'appelle le Pays Basque français, ce qui n'est pas tout à fait correct en fait. Hein. Alors administrativement, c'est tout à fait correct. Ouais. Le Pays Basque est pour nous défini par une culture basque, et donc le Pays Basque a deux réalités, celle de la partie française et celle de la partie espagnole. Okay. La partie espagnole est un peu plus étendue, mais il y a 3 provinces basques sur 7 au total qui sont situées en France. D'accord. Donc nous avons tendance à parler du nord, du Pays Basque nord et du Pays Basque sud, pour se référer respectivement à la partie française et à la partie espagnole. D'accord, ok. Voilà. Et quand on parle du basque, de la langue basque, c'est exactement la même qui est parlée dans le Pays Basque du Nord et le Pays Basque du Sud, en Espagne et en France. Alors, exactement, non. Alors, il y a vraiment des différences, disons, locales, d'assez grosses différences. Alors, il y a actuellement ce qu'on appelle l'Euskara Batua, c'est la langue unie. Oui. Donc, on essaie le gouvernement autonome du côté espagnol essaie de créer un basque uni pour que tout le monde puisse avoir accès au même... Pour le côté français aussi, alors ? Oui, tout à fait. Disons que pour nous, il n'y a pas de différence entre le sud et le nord. Ça appartient au Pays Basque. Donc, un travail commun. Donc, l'identité de la région se retrouve dans la langue. Même si c'est quand même le français, la langue officielle au Pays Basque du Nord. Tout à fait, au Pays Basque du Nord. Enfin, pour que les gens qui nous écoutent ne doivent pas être tout à fait habitués au Pays Basque. Ouais. Mais c'est vraiment la France, d'accord. Au niveau administratif, il y a le nord du Pays Basque qui appartient à la France et le sud à l'Espagne. Ouais. Néanmoins, il existe une grosse identité basque. Les gens qui habitent au Pays Basque nord et au sud se sentent souvent d'abord basques. Mmh. Ils ont en commun cette langue qui malgré toutes les difficultés, malgré tous les bâtons dans les roues qu'ont mis la France et l'Espagne pour diminuer son influence, a perduré jusqu'à aujourd'hui et continue. Donc cette identité-là, elle est extrêmement puissante et d'actualité, on va dire. Et qui s'accompagne de traditions aussi, je suppose. De traditions, tout à fait. Il y a une grosse culture du chant, du sport aussi, mais tout ça est vraiment articulé autour de la langue. Tu m'as dit précédemment que tu la parles, cette langue. Tout à fait. Et avec tes amis, généralement, tu parles plus français, plus... Alors, si mes amis parlent basque, je parle d'abord basque avec eux. Ah d'accord. Oui, tout à fait. Bon, après, effectivement, compte tenu de la réalité du Pays Basque Nord, tout le monde ne parle pas basque et donc bon, et on a aussi des amis français, c'est pas, il y a aucun problème, on vit très bien ensemble, hein. Mais donc je parle français avec ceux qui comprennent pas le basque, mais c'est vrai que si j'ai un ami qui parle basque, je vais d'abord parler en basque avec lui. D'accord. On se sent d'abord plus à l'aise, enfin moi personnellement, et puis c'est agréable quoi. On aime notre langue. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle est quand même assez difficile, je sais pas si c'est vrai. Bon. C'est assez difficile parce que cette langue ne ressemble à aucune autre. elle ne ressemble pas du tout. Spéciale. Elle est spéciale. Personne ne connaît ses origines. Unique. Hein. Vraiment, c'est un problème. Enfin, un problème. Disons que c'était quelque chose que les linguistes ne comprennent pas. Si on tape sur Google basque et linguiste, vous allez voir, il y a énormément de gens qui travaillent sur le basque, qui pourtant n'a pas une influence géopolitique importante. Ouais. C'est parce que c'est vraiment un mystère. Les gens, les chercheurs ne comprennent pas d'où elle vient, cette langue. C'est vrai que c'est un peu, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Surtout qu'on pourrait comprendre qu'une langue, qu'on ne sache pas d'où vient cette langue et qu'elle n'est pas disparue si c'était une région, disons, isolée, disons, une île quelque chose comme ça. Or, voilà, historiquement, le Pays Basque est dans une région où il y a eu énormément de migration, des gens qui sont venus, elle a été sous influence arabe, visigoth. Elle est entourée par deux autres pays qui ont une grosse influence aussi, l'Espagne, la France. Alors, mais donc, voilà, et on comprend pas comment elle a perduré, quoi. Quand tu parlais de gens qui parlent pas la langue basque, parce qu'il y a des Français aussi qui sont pas basques, qui vivent au Pays Basque. Tout à fait. On a quand même l'impression que dans cette région, dans le Pays Basque du Nord, en France, il y a pas trop de problèmes. De friction. De friction, exactement. Ou bien c'est vécu différemment, les gens essaient de l'exprimer différemment que dans la partie sud. Disons que, alors, il existe vraiment, du côté français aussi, une tradition nationaliste qui est là. Disons qu'il y a une réalité différente du côté espagnol et du côté français. Du côté espagnol, le basque est beaucoup plus parlé. Disons, la force politique de la culture basque est beaucoup plus grande du côté espagnol. D'accord. Hein, qu'en France, c'est certainement dû à la politique différente des deux pays. La France est de tradition très centralisée. Tout tourne autour de Paris. Tout est contrôlé par Paris. Et donc, ça fédère vraiment. Alors que côté espagnol, il y a des autonomies. La Catalogne a son autonomie. Ça, les régions. Les régions. Donc, il y a une tradition en Espagne où les traditions locales ont plus de force. Ouais. Vraiment, ça fait longtemps que le Pays Basque essaie de prendre un petit peu son envol. Ouais. Et bon, du côté espagnol, c'est vraiment particulier parce qu'il y a eu la guerre d'Espagne en 1936. Ensuite, environ 30 ans de dictature. Ouais, 30-35 ans avec Franco, avec une répression extraordinaire. Donc là, par exemple, la langue n'était pas autorisée du tout. Du tout. Avec vraiment, vraiment des répressions terribles. Il y a vraiment une volonté d'éradication de la langue basque et de la culture basque. Ok, ouais. Ça existait aussi en France. Ouais. Mais disons que c'était une démocratie. Il n'y a pas eu Franco. C'est moins extrême, en fait. Oui, tout à fait. La langue basque, elle est enseignée. Alors oui, maintenant elle est enseignée. Il y a l'école publique française, évidemment, où on peut prendre des cours de basque en option. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des IKHB. Ce sont des écoles bilingues. Voilà, il y a pas mal de cours en basque, mais aussi c'est centré autour du français. Puis enfin, il y a les écoles privées, ce qu'on appelle les IKHTOLA, où j'ai été scolarisé, moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, où on fait exclusivement... tous les cours sont en basque. Exclusivement en basque. Mathématiques, sauf le français. Le français qui est enseigné, évidemment, en français. Alors, ce sont des écoles qui sont nées il y a 25-30 ans, qui sont issus vraiment d'une volonté de la génération de mes parents. Mon école, elle a été faite vraiment par la génération de mes parents, et ils l'ont construite de leurs propres mains. C'est pour vous donner une idée de la force de la culture basque et de l'attachement des basques à leur langue. D'accord, ouais. Donc voilà, on peut maintenant passer le baccalauréat, c'est-à-dire qu'on passe à 18 ans en basque. Donc est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves dans ces écoles? Il y a beaucoup d'élèves, tout à fait. Elles sont fréquentées, elles grossissent, il y en a maintenant plusieurs. C'est complètement positif. Mais voilà, on a l'habitude de dire que c'est pas suffisant. La réalité aussi, c'est que le basque est de moins en moins parlé et on a peur pour la survie. On est toujours au stade de la survie du basque. Donc c'est vrai que nous, on demande... Plus, parce qu'on n'accepte pas que le basque puisse disparaître. Donc c'est sûr que voilà, il faut, nous on voudrait plus. Parce que tu disais, donc parfois tu parles en basque avec tes amis, mais par contre quand tu vas dans un commerce, il y a une différence entre la côte où le basque est beaucoup moins parlé et l'intérieur des terres où ça reste quand même courant. Enfin, on peut parler, les gens parlent basque, c'est plus paysan. Voilà, vous êtes à l'état de village. Voilà. Moi, étant de la côte, c'est sûr que c'est difficile de vivre enfin c'est impossible de vivre exclusivement en basque dans les commerces, etc. Il y a quand même peu de gens qui sont capables de voilà, d'avoir une conversation en basque. Ok. Et alors, on venait de parler de la mer et de la montagne, deux choses qui sont partie intégrante du Pays basque. Toi, tu préfères quoi, la mer, puisque tu moi, je suis la montagne. Je suis un feignant, donc je préfère la mer, clairement. Oui, alors c'est ce qui fait la beauté de la région, c'est qu'on a vraiment la mer sur toute la côte atlantique. Le Pays basque est vraiment très connu en Europe pour ses spots de surf. Ouais, il y a beaucoup de gens qui y vont, ils ont des compétitions, tout surf, une très belle vague. Tout à fait, au Pays basque. Donc Biarritz, c'est vraiment l'endroit où ça a commencé en France, hein, le surf. Et puis à côté de ça, il y a les Pyrénées. Ouais. Il y a les Pyrénées avec cette. On voit de la côte. On voit de la côte, tout à fait. Ouais, ouais. Donc on voit les deux, on voit la mer et on voit les montagnes. Donc c'est ce qui fait ajouter à ça un climat assez, enfin un bon climat, mais où il pleut assez régulièrement. Ce qui fait que les paysans sont très verts. Ouais, donc c'est très beau. Ouais. C'est très très beau. Ouais, comme je disais, j'ai eu la possibilité d'y aller. Moi, j'étais plutôt allé faire de la randonnée en été dans la montagne. Ah, c'était fantastique. Ah, ouais, c'est... En plus, la nature était très présente. C'est assez naturel. Je trouvais que ça n'avait pas été détruit. Non, ouais. Non, les paysages sont assez magnifiques. Ouais. Et je me souviens aussi, donc j'ai passé un très bon moment également, notamment parce que j'avais très bien mangé. Ouais. Au niveau de la nourriture, la gastronomie basque, c'est exceptionnel. Alors, il y a du poisson, beaucoup de poisson, hein, parce que voilà, il y a une tradition de pêche au Pays basque, avec notamment les villes de Saint-Jean-de-Luz, de Cibourg, enfin, ouais, qui sont des ports, sont des ports, tout à fait. Donc il y a pas mal de poisson. Ensuite, il y a de la charcuterie, tout le travail autour du porc. Ouais, le fameux jambon de Bayonne. Le jambon de Bayonne. En tout cas, en France, c'est très connu. Très connu, oui. Même en Europe, dans le monde, je crois. Allez, soyons fous. Et puis voilà, il y a quand même des plats typiques. Enfin, c'est vraiment une région qui est reconnue pour sa gastronomie. On y mange bien, on y boit bien, et puis voilà, on passe de bons moments au Pays basque. Comme c'est beau, on y mange bien, je suppose que le tourisme est assez développé. Oui, le tourisme est très développé, surtout autour de la mer, et même maintenant l'intérieur des terres est. Et comme tu disais, grâce à ces paysages magnifiques, mais il y a beaucoup de gens qui viennent pour faire des randos. Alors au Pays basque français, il y a énormément de tourisme, c'est sûr. Ouais. L'économie est quand même bien centrée autour du tourisme. D'accord. Donc pour terminer, comme on l'a vu ici, il y a cette j'aime bien le redire encore, cette identité basque, cette culture basque, qu'on le retrouve également dans le sport. Il y a quand même un sport qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Tout à fait. Alors c'est la pelote basque. Ouais. C'est pas compliqué, c'est une pelote, c'est-à-dire voilà, une pelote, une balle avec un mur et on tape dessus. Alors c'est toujours une équipe contre une autre. Ouais. Et puis, alors c'est difficile d'expliquer comment. Ouais, toutes les règles. Toutes les règles, mais il y a vraiment beaucoup de disciplines différentes. Chez nous, ouais. Tous les enfants font de la pelote basque. En tout cas, un conseil que je vous donne, c'est si vous avez la possibilité de passer au Pays basque, que ce soit le Pays basque du Sud ou le Pays basque du Nord, c'est franchement un endroit particulier et adorable. En tout cas, je te remercie énormément d'être venu nous en parler aujourd'hui. Mais c'était un plaisir. N'oubliez pas que nous avons une leçon quotidienne qui sort sur frenchpod.com. Vous pouvez y laisser vos commentaires également. Tout type de suggestions sont bienvenues. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.